Je voudrais faire une chanson d'amour avec des mots tendres et des sentiments. Mais partout c'est la guerre, mais partout la misère, les enfants qui pleurent et qui crient et se battent pour un bol de riz. Alors moi je ne peux décemment pas faire une chanson d'amour pour toi. Alors moi je ne peux décemment pas faire une chanson d'amour pour toi. Je voudrais faire une chanson de liberté avec des mots légers qui s'envoleraient. Mais les prisons sont pleines d'innocents qui peinent et ces juges vendus qui parfois même tuent. Alors moi je ne peux décemment pas vous chanter la liberté. Faire une chanson sur le soleil, tout nu allongé au bord de la mer. Et ces maudites centrales nucléaires qui un jour vont tout foutre en l'air. Nous sommes atomisés, fichés grâce à l'ordinateur. Sur la vie, avec des mots simples pleins de révolte. Certains me diront, t'as qu'à rejoindre l'organisation. Tu verras, grâce au parti de la discipline, on va refaire la vie. Alors moi je ne peux décemment pas vous dire ce qu'il faut faire. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il